À l'exposition Cézanne. Ah, la fameuse montagne Sainte-Victoire. C'est un chef-d'œuvre. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore la Provence. Pas vous? Si, j'y allais en vacances quand j'étais petit. Cet homme aux yeux noirs et à l'air soupçonneux, c'est qui? Cézanne? Ah oui, Cézanne par lui-même. Quelle idée d'aller mettre de l'orange et du violet sur sa figure. Il a même le blanc des yeux bleus. Regardez-moi ça. Il a même du jaune sur le nez, du vert sur le front, du marron sur les joues. Enfin, tout de même. La peau n'est pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On n'a pas idée de faire un tel mélange. Si vous regardez à travers vos cils, vous verrez que toutes ces couleurs se fondent. C'est tout de même assez bizarre de peindre un tableau qu'il faut regarder les yeux presque fermés. Je suppose que l'art, c'est ça. Ah, j'y pense. Je voudrais aller dans une boîte de nuit ce soir. Vous venez avec moi?